L'émission du matin s'appelle Assemblage requis et une fois de temps en temps, quelque chose de drôle peut arriver. Donc voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 2 mars 2015. Mardi, 3 mars 2015, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bon retour, Steph. Salut. On commence tout le temps les mardis en disant ça, mais t'es pas le lundi à date. Ben, je dirais que c'est la loi de Murphy, de sauf un pas depuis le début de la session. Je sais pas, faudrait les compter. En tout cas, non, plus que ça. On n'est pas là pour compter les absences de Steph, on est là pour célébrer ses présences. Voilà. Donc, je vais prendre les présents, Stéphanie Paradis. Présent. Voilà, c'est assez pour Mathieu moi. Mathieu Plante. Présent. Il n'y a pas de confusion entre Target et Target. Ça me sonne pareil. Target, Target, Target, ben... Target. Tu dis deux fois, cinq fois vite, le piano de panier, Target, Target, Target, Target, Target, Target, Target, Target. Non? Non, hein. Pour, aux recettes pompettes. J'ai essayé de la regarder, ça a lagué, moi, l'autre fois. Franchement, réessaye. Probablement que ton serveur aussi. Mon serveur. Garçon! Mon serveur de shooter est bonne! C'était pas voulu, mais c'était bonne. Super drôle! C'est dans les coulisses de la huître. Comme si on n'a pas Gabriel Béhoud, notre chroniqueur sur le terrain, donc on n'a pas non plus lundi soir le matin la chronique de son collègue Gabriel Boutentrain, Hood. Ah, oh, mais est-ce que les deux en même temps, ils nous lâchent, les là? Deux annulent. Ah, oh, ça, c'est grave. Ils sont vraiment pareils, là. C'est normal qu'il y ait une confusion entre les deux, là. Ils, ben oui. Il y a juste pareil. Allez dans Google, tapez L-U-I-T-R, l'huître, c'est le premier lien qui sort. T'es tellement jeune, on dirait, genre. C'est comme bientôt 2015 comme façon de faire. Rien. Après ça, tu vas me dire sortir ton téléphone cellulaire puis dire à Siri, peux-tu m'ouvrir la page de la huître? Franchement. Mais si tu dis franchement ta mère, par exemple. Ouais, je dis toujours merci à Siri. Mais. Moi, ça me gosse. Tu sais, mettons, t'es le soir, dans le noir, dans ton lit. Puis là, tu veux juste comme fermer une page puis tu pèses un petit peu trop longtemps. Puis là, ça se met à sonner puis à parler. Puis là, tu te réveilles tout le monde. Ouais, ouais, c'est vraiment bizarre. Tu ta gueule. Puis là, c'est comme, Siri, colle-moi un peu. Oh. Puis elle a dit, ben là, on est pas rendu là. Tu as parlé de choses vasculaires, là, c'était récemment la semaine de la persévérance vasculaire, justement. Persévérance scolaire. Persévérance vasculaire, lui. Léonard de Vinci avait un QI évalué à 220. Léonard de Vinci, là, il était tellement intelligent que son surnom, c'était Léonard 220. Oh. C'est pas ça, hein? Hi-hi. C'est parce que c'est pas vrai. Enlever une écharde. Si on est chanceux, avec une pince à épiler, on peut l'enlever assez facilement. Quel outil t'as enlevé ça? Une pince à épiler. Ah, c'est ça. Je pensais que c'est une affaire à patate pilée. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'une égression? Ah, on peut pas faire de blague avec ça. Non. Je sais pas. J'ai pas eu de blague pendant tout. C'est comme régression, comme l'inverse de régression. C'est quand tu égresses, là. Ou c'est quand, c'est quand tu manges trop puis t'égresses un petit peu. Hey, ben, t'es manger, ah, on non, est pas loin. Une joke raciste, hein? Égressif? Négresse? Oh, co! Ah! Négression, c'est pas ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est que emblaver? Emblaver. Ah, j'ai tellement faim que j'en blave. Ouais. Non, moi, je pensais que c'était plus quand tu travaillais sur quelque chose puis ça marchait pas, fait que t'en blavais. Ah, ouais. Plus dans ce sens-là. Oui, ou encore quand tu vas sur Internet, tu marques ablaver, ablaver, ablaver, point, c'est point, c'est là. T'es un petit peu mongol. Éviter d'entartrer une bouilloire. J'ai un fantôme de mon grand-père qui était comme ça, puis il disait bouh. Mais là, on a découvert plus tard que c'était bouilloire qui disait, puis c'est des conseils pour détartrer une bouilloire, puis je suis sûr que c'est ça que tu veux dire. Ben, peut-être. Sûr. Aïe, aïe. La série V, ça passait pas à V, oui, ça. Oui, ça passait à V, ça, ouais, ouais. Ça me perturbait. C'est une bonne idée. Oui, c'est rivé à V, ouais. C'est rivé à V. T'étais rivé à la série V, à V. Ah, oh, il aurait dû faire ça comme pub. Oh, oh wow, slogan. De mauvais goût. Non, c'était parfait, ça. La première chose qu'on m'a dit, c'est la scène de torture. Elle torture est... Ninja. Ah, c'est impressionnant comme scène. Je t'ai vu regretter ouais, ta non, joke. Vraiment. Regretter. Passe outre, passe outre. Non, j'ai trouvé ça drôle, même si ça n'a pas paru. Un moment d'assemblage requis pour la semaine du 2 mars 2015, toujours avec une semaine de délai. C'était pas très long comme montage, même si c'était probablement le tiers de ce qu'on fait d'habitude, mais c'était des remplis de petites pépites de joie et de bonheur, tout ça. Écoutez, assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30 avec Stéphanie Paradis et moi-même, Mathieu Plante, ainsi que nos amis chroniqueurs, nos broniqueurs, comme on les appelle dorénavant.